blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 23 janvier, les Patriotes Soccer affrontent l'UQAM au centre Alphonse-Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtres, défilés de mode. L'Odyssée sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée sonorisation. 971 rue Néry-Duplessis à Trois-Rivières. C'est fou. 89. À tous. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet et pour la session hivernale 2011, je partagerai l'animation de cette émission avec mes collègues Jessica Boulanger et Cathy Bordelot. Ce matin, nous entendrons des entrevues qui ont été réalisées avec des étudiantes de première année au bac en pratique sage-femme. Elles nous ont parlé un peu des travaux qu'elles avaient réalisés lors de la session automnale 2010, soit dans le cours de périnatalité et société ou dans le cours d'introduction à la profession sage-femme. Donc, en première partie, on vous présentera l'entrevue réalisée avec Julie Ouellette, qui portera sur le cododo. Puis, en deuxième partie, nous entendrons Bronwyn Agnew, qui nous parlera de l'accès aux soins de santé périnataux pour la communauté transgenre. Et en terminant, on aura une présentation sur l'interprofessionnalisme et la pratique sage-femme avec moi-même, donc Véronique Bazinet. Vous êtes à C'est fou, 89.1, la Radio Campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation et ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Bon matin, je suis bien heureuse de vous retrouver pour une autre session. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2011, empreinte de santé et de bonheur au quotidien. Comme vous avez pu le constater, notre émission est maintenant le jeudi matin de 10h à 11h et ce, jusqu'à la fin avril. L'équipe de Connaître est en train de peaufiner la programmation pour la saison hivernale 2011, mais on va aborder les thèmes suivants, donc la reconnaissance des acquis pour les sages-femmes venant de l'étranger, la procréation assistée, on aura une émission qui va porter sur la douleur, une autre sur la dépression. On va recevoir des invités qui vont nous parler de la périnatalité et diversité culturelle. On aura une autre émission sur sexe autour du monde, les arts sociaux, la périnatalité sociale, puis aussi des stages hors Québec qui ont été effectués par des étudiantes de deuxième année, ainsi que des projets de maison de naissance à l'étranger. Vous retrouverez la programmation de l'émission sous peu sur le site de Connaître ensemble. Maintenant, nous allons écouter l'entrevue réalisée plus tôt cette semaine avec Julie Ouellette, étudiante en première année au bac en pratique sage-femme et maman de deux enfants qui nous entretiendra sur le thème du cododo. Bonjour JB. Aujourd'hui, on s'entretient avec toi sur un sujet qui te passionne et qui te tient à cœur énormément, soit le cododo. Je sais que tu as réalisé un travail sur ce sujet-là dans le cadre du cours de périnatalité et société à l'automne 2010. Aussi, lors du congrès Enfants et le monde, je sais que tu as pu assister à des conférences qui ont nourri ta réflexion. Tout d'abord, bonjour Julie. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi tu t'intéresses autant au cododo et pourquoi ça te passionne profondément. Premièrement, parce que je suis une maman de deux jeunes garçons. Et puis, quand ils sont nés, je me suis posé plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que je devrais dormir avec mes bébés ou pas? Parce que il y a beaucoup de pressions, autrement dit, qui sont faites de par l'entourage, de par le conjoint aussi. Ça peut être aussi de par la mère pour ça. Puis moi, je me suis posé des questions à savoir à quel point... ça serait des mythes ou que c'est vraiment des choses qui sont fondées qu'on ne devrait pas dormir avec nos enfants. Donc, je suis allée voir plus loin puis j'ai lu plusieurs choses. Maintenant, est-ce que tu peux nous définir un peu plus ce qu'est le cododo exactement? Donc, il y a le cododo d'un côté et puis de l'autre côté, il y a le sommeil partagé. Santé Canada, lui, parle de cododo, ce qui signifierait, autrement dit, que les parents dorment dans un lit et puis que l'enfant dort sur une surface différente de celle des parents, qui est donc soit un berceau ou un petit lit à côté. Alors que le sommeil partagé, lui, ça serait vraiment que les parents dorment sur la même surface de lit que l'enfant. Donc, nous... Souvent, je parle de cododo, mais en fait, je parle de sommeil partagé parce que j'aime mieux l'expression, mais bon. Et aussi, je voulais parler un peu d'histoire, dans le sens que c'est tout nouveau qu'on ne fait plus de cododo, on ne fait plus de sommeil partagé, parce que dans le temps au Québec, quand il n'y avait pas de chauffage, autrement dit que c'était le chauffage au bois, les parents n'hésitaient pas, autrement dit, à mettre leur enfant dans leur lit, les jeunes enfants, en fait, en bas d'un an. Donc, pour assurer... leur thermorégulation, le grand terme, mais pour assurer aussi un paquet de trucs. Et puis, quand l'enfant avait dépassé un an, ben il allait rejoindre ses frères et sœurs, donc il n'était jamais seul. Il allait rejoindre ses frères et sœurs dans le grand lit. Dans le grand lit multifamilial. Et puis, c'est relativement récent, autrement dit, que les enfants doivent coucher dans un berceau. Ça date... il y a une cinquantaine d'années, il y a des médecins qui ont parlé de l'emmaillotement comme de quoi qu'il fallait s'assurer que le bébé soit emmailloté très, très, très serré 24 heures sur 24 pour éviter que la colonne vertébrale se déforme, étant donné que quand les bébés naissaient, elle était molle. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est absolument pas vrai. Mais la pratique, autrement dit, du berceau est restée parmi nous. Tu nous as parlé justement de deux types de cododo, donc le sommeil partagé et le cododo. Est-ce qu'il y en existerait d'autres ou principalement c'est les deux concepts de base? Ben en fait ça c'est des ces deux là c'est des marginalités dans un sens parce que ce qui est le plus pratiqué c'est le sommeil dans une couchette à part dans une autre chambre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je crois que les gens reviennent de plus en plus au cododo, ce qui est à dire un berceau à côté dans la chambre des parents. On entend de plus en plus parler de cododo. Et là, maintenant, tu nous éclaires avec le sommeil partagé. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des préjugés qui circulent justement par rapport à cette pratique, puis peut-être même plus par rapport au sommeil partagé, finalement, si je comprends... la nuance entre les deux. Oui. En fait, c'est ça qui est le plus important à parler aujourd'hui. Je pense que les préjugés par rapport au sommeil partagé, c'est encore ce qui fait le plus peur aux parents qui sont réticents à adopter cette pratique-là, parce que il y a beaucoup de pressions, autrement dit, qui sont faites de la part de l'entourage des générations précédentes, en fait, souvent, comme de quoi qu'on gâterait le bébé qui deviendrait dépendant par rapport à nous. Mais en fait, le bébé, quand il naît, à la naissance, il est déjà dépendant. c'est déjà une des conditions existentielles de bébé, c'est la dépendance. Et puis, l'idée, autrement dit, c'est qu'il soit en apprentissage sur une longue, longue, longue période de temps pour qu'il apprenne à être autonome. Mais nous, on a toujours notre préjugé comme de quoi que faut que cette autonomie-là arrive le plus vite possible, puis qu'elle arrive dans un état un peu brutal, je dirais. Puis, dans le fond, c'est comme le spectre occidental qui oscille entre l'autonomie puis la dépendance. Puis l'idéal, autrement dit, c'est de passer de la dépendance le plus rapidement possible vers l'autonomie. Alors que dans ma tête et puis dans quelques livres que j'ai lus aussi, le sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis l'autonomie dans le sommeil, c'est pas quelque chose qui est a priori, c'est quelque chose qui vient avec le temps puis avec la maturation du cerveau, qui vient avec quand le bébé apprend différentes phases de sommeil, autrement dit, qui en vient qu'à passer de nombreuses phases de sommeil qui sont sommeil paradoxal, donc il se réveille souvent, et puis qui apprend peu à peu à développer les phases de sommeil longues, où est-ce qu'il reste endormi beaucoup plus longtemps. Voilà, et puis donc c'est ça, les préjugés. Pour revenir aux préjugés, la grande question, autrement dit, que tous les parents se posent, c'est un peu la même chose en fait, c'est est-ce qu'on doit laisser notre bébé pleurer dans le lit pour s'endormir? Donc tous les parents font face à cette question-là, puis je pense qu'il faut en premier se remettre en question nos préjugés, puis répondre avec notre cœur, puis aussi voir c'est quoi les pressions qui viennent de l'extérieur, comment ils sont amenés à nous, puis dans quelle situation que eux, ces personnes-là, se trouvaient quand ils élevaient leurs propres enfants, parce qu'il y a eu vraiment une fracture entre les générations, puis il n'y a pas eu de transmission du savoir qui s'est faite. Donc, c'est ça. En remettant nos pratiques en question, je pense que ça fait en sorte qu'on écoute plus notre cœur, puis qu'on ne se laisse pas avoir par tout ce qui nous est dit de l'extérieur. Donc, selon toi, puis selon tes lectures, le sommeil partagé induirait pas une plus grande dépendance dans le développement futur de l'enfant? Non, c'est le contraire, en fait. C'est complètement le contraire, parce que l'enfant, quand il naît, il a des besoins primaires, puis entre autres... l'apprentissage du sommeil dans la sécurité, c'est un de ces besoins-là. Donc, quand ce besoin-là il est comblé, c'est ça qui va l'amener, dans le fond, à être prêt à être autonome dans le sommeil. Puis ça va lui donner le goût aussi d'apprendre à être autonome dans son sommeil, parce que si c'est quelque chose qui lui est complètement imposé, puis qu'il vit ça dans la peur, même dans la terreur, je dirais, ça va toujours rester toute la vie. Combien de personnes qu'on entend parler qui veulent, tu sais, qui ont peur du noir, ou qu'ils veulent pas dormir seuls, ou qui se sentent dans l'angoisse par rapport à ça, tu sais, ça vient de quand on était jeune, autrement dit. Mais c'est très intéressant, toutes ces réflexions. Puis justement, pour aller dans un peu le sens contraire, quels seraient, selon toi, les avantages du cododo ou sommeil partagé? Pour ce qui est des avantages, je voulais les aborder à partir d'un livre que je me suis vraiment beaucoup inspirée pour faire le sommeil partagé. C'est un livre de Jean Liedloff. Ça s'appelle « Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu ». Et puis, dans ce livre-là, elle parle qu'à la naissance, quand que les nouveau-nés naissent, autrement dit, tout leur corps, leur cerveau, il n'est pas encore suffisamment mature. Autrement dit, que la gestation des mammifères humains ne serait pas terminée. Et puis, le rôle des parents, ce serait, autrement dit, de prolonger cette gestation-là, mais ce ne serait pas une gestation physiologique, ce serait une gestation sociale. Parce que tous les autres mammifères, quand ils naissent sur la planète, à la naissance, ils sont déjà autonomes, ils savent déjà marcher, ils savent déjà un peu comment aller se cacher, comment rester proche de sa mère, ils la suivent partout. Alors que nos bébés, à nous, humains, ils sont beaucoup plus dépendants. Et puis, l'idée du continuum, autrement dit, ça serait de prolonger cette gestation-là par, entre autres, la proximité mère-enfant, parent-enfant, mais aussi par le portage constant, jour et nuit. Donc, pour ce qui est du sommeil partagé, dans le fond, ça serait le portage de nuit. Et puis, pour ce qui est du portage de jour, autrement dit, c'est que on met continuellement l'enfant soit dans nos bras ou soit dans une écharpe de portage, qui fait que l'enfant est à notre niveau et non déposé sur le sol, ce qui fait qu'il est constamment en contact avec toutes les activités que les humains pratiquent, autrement dit, peu importe les cultures, puis que l'enfant, il ne devient pas au centre de l'attention, puis que tous nos gestes, toutes nos attentions sont dirigées vers l'enfant, mais c'est plutôt l'enfant qui se retrouve à observer c'est quoi le centre de l'attention des humains qui sont les activités quotidiennes. Puis que c'est de cette façon-là, autrement dit, qu'il va apprendre à vivre en communauté, puis qu'il va apprendre à vivre avec les gens, que ce soit le jour ou la nuit. Et puis, pour poursuivre, d'autres avantages du sommeil partagé, c'est l'allaitement en continu. Autrement dit, que pendant qu'on fait dodo avec notre bébé, que l'allaitement est toujours prolongé, puis que ça fait qu'on a une meilleure... J'allaite, c'est pour ça que je dis ça. Mais que les mamans, dans le fond, qui dorment avec leur enfant, conservent une meilleure production de leur lait. Ce qui fait que souvent, on entend parler « Ah, j'ai pas assez de lait, mon lait est pas assez riche. » Bon, peu importe la raison pour laquelle les mères arrêtent d'allaiter, quand on allaite la nuit, ça stimule constamment la production du lait, autrement dit. Puis ça stimule aussi la prolactine, l'ocytocine, qui fait que ça va accélérer la production de lait. Un autre avantage aussi que j'ai trouvé en faisant du cododo, du sommeil partagé, c'était pour les mamans qui travaillent ou pour les mamans qui sont aux études, et je dis maman, je dis parents aussi, j'inclus le père, ce qui fait que quand on passe, je ne sais pas moi, 8 à 10 heures par jour en dehors de la maison, on n'est pas en proximité avec notre enfant. Ce qui fait que au moins on dort toute la nuit collé avec l'enfant, ça conserve un lien intime, un lien de proximité. Ce qui fait qu'on a un peu l'impression que nous, on voit notre bébé pendant la nuit et vice-versa. Notre bébé nous voit pendant la nuit, ce qui fait que pendant le jour, il y a moins de sautes d'humeur, il est moins sécure, il y a moins de besoins, autrement dit, de ses parents. Un autre effet aussi, un autre avantage de l'allaitement, c'est l'effet contraceptif, qui est la méthode MAMA. Donc, un des paramètres pour permettre cet effet contraceptif-là, c'est d'allaiter maximum aux 4 heures, ce qui fait que quand tu dors avec ton enfant, ça garantit en quelque sorte que cet effet-là contraceptif va être préservé dû au fait que le bébé se réveille plus souvent parce qu'il est constamment stimulé par les mouvements, la respiration de sa mère, ce qui fait qu'il va boire du lait plus souvent et puis que l'effet contraceptif va être préservé. Aussi, le meilleur avantage de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent concernant le sommeil partagé, c'est bien sûr la connaissance de son enfant par une plus grande proximité, du fait qu'on apprend à savoir qui est, non seulement le jour, mais aussi la nuit, parce qu'on n'arrête pas d'être parent la nuit. On est parent le jour, mais on est aussi parent la nuit. Puis les bébés, ils vivent plein de choses pendant la nuit. Ils ont des rêves, ils peuvent avoir des cauchemars. Puis... ils se réveillent souvent, ce qui fait que nous, on est toujours là dès que ça arrive pour le mettre en sécurité, ce qui fait qu'il développe une maturité sensorielle, affective, même physiologique, beaucoup plus rapidement que s'il était laissé seul dans une chambre à part ou même en cododo. Et puis, c'est ce que je répète souvent aux parents qui voudraient faire du cododo puis qui hésitent, c'est que c'est normal qu'un bébé se réveille la nuit. C'est normal et c'est sain qu'un bébé se réveille la nuit. On a toujours tendance à croire qu'on espère que nos bébés fassent leur nuit, alors que c'est nos nuits qu'on espère qu'ils fassent. Et puis, c'est juste sain, en fait, qu'un bébé se réveille la nuit. Ça prévient, en fait, le syndrome de mort subite. Et puis, ça fait en sorte que ça amène une meilleure maturation de ses cycles de sommeil, parce que ces cycles de sommeil vont être complétés dans la sécurité, puis ça va les faire maturer plus rapidement. Puis aussi, ben, l'allaitement en continu, ça va permettre au bébé de prendre du poids supplémentaire, autrement dit, durant la nuit, particulièrement pour les bébés de faible poids ou prématurés. Voilà. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur les cycles du sommeil? Justement, tu as abordé un peu le fait que on essaie finalement d'imposer peut-être notre rythme à l'enfant, ou on espère dire il va faire ma nuit, mais c'est notre nuit finalement d'adulte et d'humain mature, si on peut dire comme ça. Fait que je sais pas si jamais tu avais quelque chose à nous. Je me suis inspirée pour ça de un livre de William Sears, qui est un médecin qui a 8 enfants et puis qui a réalisé plusieurs expériences avec sa femme pour démontrer ses théories, autrement dit. Et puis, il pratiquait le sommeil partagé. Donc, le livre, ça s'appelle « Être parent la nuit aussi » de William Sears et c'est distribué par la Ligue La Leche. C'est un excellent livre. Ça nous permet d'être en sérénité, en fait, avec... le sommeil du nouveau-né qui n'est pas toujours évident. Puis là-dedans, dans ce livre-là, on apprend que les cycles de sommeil du nouveau-né sont complètement différents de ceux des adultes. En fait, le sommeil, les cycles de sommeil paradoxal, donc de sommeil rapide, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus longs. Les périodes de sommeil paradoxal sont beaucoup plus longues que les périodes de sommeil lent. Ce qui fait que c'est pour ça, en fait, qu'il se réveille plus souvent parce que il est en sommeil rapide, donc il fait beaucoup de rêves, ses paupières, il oscille de droite à gauche. Bon, ça, c'est le signe pour nous dire qu'il est en sommeil rapide. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que le temps va passer, son cycle de sommeil va, paradoxal va se transformer en cycle de sommeil lent. Donc, les cycles de sommeil lent vont augmenter en quantité et puis en longueur jusqu'à devenir, dans le fond, le sommeil adulte que nous, on connaît, qui est beaucoup plus souvent du sommeil lent que du sommeil rapide et puis qui fait qu'on se réveille aussi beaucoup moins souvent. Donc, c'est pour ça aussi que dans le fond, que c'est normal et très sain qu'un bébé se réveille et puis qu'il faut pas que ce soit un idéal, autrement dit, que notre enfant fasse ses nuits. C'est tout à fait normal et sain que les enfants se réveillent, les nouveau-nés, en fait. Nouveau-nés. Finalement, ça suit le processus de maturation neurologique du bébé. Oui. Donc, c'est un phénomène physiologique normal. Exactement. D'accord. On a parlé de... peut-être des mythes qu'il y avait autour du cododo, puis du sommeil partagé, puis des idées préconçues. Est-ce que tu pourrais nous parler des arrangements possibles pour assurer la sécurité dans la pratique du sommeil partagé, du cododo, puisque je pense que ça peut être justement un peu à la base de certains parents qui sont réfractaires. Ça peut être le motif, bref. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations entre le sommeil partagé et puis le syndrome de mort subite du nourrisson, comme de quoi que c'est les parents, autrement dit, qui écrasent leur bébé et puis que ça les asphyxie, ce qui provoque le syndrome de mort subite. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'associations qui sont faites un avec l'autre. Et puis Santé Canada, en ce sens-là, déconseille le sommeil partagé et puis conseille le cododo. Sauf que il y a possibilité de faire du sommeil partagé tout en étant très sécuritaire. Il suffit de respecter quelques règles de sécurité qui vont faire en sorte que ça va être tout à fait convenable pour un parent ou deux parents de dormir avec leur enfant, premièrement. Donc, avoir au minimum un lit queen, l'idéal un lit king, ce qui fait que tous les membres de la famille ont suffisamment d'espace pour être dans le lit. Deuxièmement, avoir une pièce qui est suffisamment chaude pour pas avoir trop de couverture sur nous. Dans le guide du mieux vivre, ils disent entre 18 et 21 degrés, mais je crois qu'en sommeil partagé, on peut même aller au-delà de ça. Il suffit de aussi bien que le pyjama du bébé soit qui couvre les pieds et puis qui couvre les bras au complet. Ensuite, que chacun des parents et puis que l'enfant aussi ou les enfants aient chacun leur kit de couverture. Autrement dit, que la mère allait ses couvertures, que le père ait ses couvertures. Comme ça, si le bébé est entre le mère et la mère et le père, le bébé ne se retrouvera pas à avoir les couvertures par-dessus la tête si tout le monde a chacun leur couverture. Autre chose, si possible, mettre le matelas par terre, ce qui fait que si le bébé se retrouve à être sur le bord du matelas et puis la mère dans le milieu, le bébé, même s'il tombe par terre, il ne se fera pas vraiment mal. On peut bien sûr aussi séparer un des parents avec des oreillers, soit un oreiller de sarrasin qui est un oreiller plus dur que le parent ne pourra pas... écraser le bébé parce que l'oreiller est beaucoup plus élevé qu'un oreiller normal. Et puis aussi, il y a des parents, je sais, qui enlèvent un des côtés de la couchette et puis qui associent la couchette, autrement dit, directement avec le lit, ce qui fait que tu peux mettre le bébé dans sa couchette et puis que le lit conjugal demeure un lit conjugal avec les deux parents. Ou aussi, il y a possibilité de mettre un petit lit simple par terre à côté du lit conjugal, ce qui fait que quand le bébé se réveille, la maman, elle s'en va par terre allaiter son nouveau-né jusqu'à temps qu'il se rendorme, puis ensuite retourne dans son lit pour continuer sa nuit. Et puis, les dernières choses pour la sécurité, bien sûr, si on est trop fatigué parce que pour quelconque raison, trop de travail ou trop de réveil durant la nuit, pas assez de sieste durant le jour, épuisement, donc on ne dort pas avec notre enfant, on essaie de trouver un arrangement comme les deux autres arrangements que j'ai nommés précédemment, ou sous l'effet de médicaments qui nous endort, ou sous l'effet de boissons ou de drogues, c'est mieux de ne pas dormir avec notre enfant parce qu'on est dans des phases de sommeil lent, beaucoup plus profondes qu'à la normale. Donc, notre sommeil est pas sécuritaire, autrement dit, pour un nouveau-né. Voilà, je pense que c'est les règles de sécurité à respecter pour faire le cododo. Parce que souvent aussi, une des choses que je voulais ajouter, c'est que Santé Canada parle qu'on ne devrait pas faire du sommeil partagé, mais il y a beaucoup de parents qui ont compris aussi que quand on faisait des siestes pendant le jour, on pouvait faire les siestes sur un canapé, sur un divan, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts de nourrissons qui sont survenus par rapport à ça, la simple sieste naïve qui est faite sur un divan, alors que quand on pratique le sommeil partagé, il y a tout un environnement qui a été organisé autour d'un sommeil sécuritaire, et puis toutes ces petites siestes-là naïves qu'on pense qu'il n'arrivera rien, en fait, c'est elles qui se retrouvent à causer le plus de tort. Voilà, c'est dans le cas de mort subite du nouveau-né. Oui, c'est ça. Ou d'écrasement. Ou d'écrasement, asphyxie, etc. C'est ça. Parce que le bébé se retrouve à être coincé, entre le divan et le parent, et puis il meurt. Parce que le parent s'endort lui aussi. C'est ça, parce qu'il est complètement épuisé. Chose qui peut arriver aussi dans les premières semaines, mois et années comme parents. Ben, merci infiniment, Julie, d'avoir partagé tes réflexions, puis ton travail sur le coup de dos et sommeil partagé avec nous. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour Benoît. Allô? Aujourd'hui... Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, Loeb, dans le cul, Lille, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. Entre le 14 et le 18 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte virtuelle sur soyonscompères.com. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à l'émission Connaître ensemble, l'émission sur la périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Donc, en deuxième partie de l'émission, nous entendrons deux entrevues qui ont été réalisées auprès d'étudiantes de première année sur des sujets qu'elles ont approfondis lors de leurs travaux universitaires à la session automnale 2010. Tout d'abord, nous écouterons une entrevue réalisée plus tôt cette semaine avec Bronwyn Agnew sur l'accès aux soins de santé périnataux pour la communauté transgenre. Bonjour Bronwyn. Aujourd'hui, on te reçoit à l'émission pour s'entretenir d'un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu as travaillé dans le cadre du cours de périnatalité et société à l'automne 2010, soit l'accès aux soins périnataux pour la communauté transgenre au Québec. Est-ce que tu peux nous présenter le projet? Oui, bien sûr. Alors, pour mon projet, je me suis intéressée aux communautés transgenres. Je ne vais pas, dans cette émission, expliquer trop qu'est-ce que j'entends par la communauté transgenre. Peut-être on peut laisser ça pour une autre émission. Oui, parce qu'il y aurait plusieurs nuances à faire et explications. C'est ça, exactement. Je dirais juste que ça comprend plein de différentes identités, mais qu'en général, ça serait des personnes qui ne s'identifieraient pas avec le genre qu'on leur a assigné à la naissance. D'accord. Alors, c'est ça. La raison pour laquelle je me suis intéressée à ça, c'est que j'ai juste plusieurs personnes transgenres dans mon entourage et que ça serait des personnes qui seraient peut-être intéressées à devenir des parents un jour. Mm-hmm. Mais je sais que pour eux, l'accès aux soins de santé en général a été pas mal une source de stress. Alors, je voulais juste explorer le concept de qu'est-ce qui se passe quand une personne transgenre veut avoir accès aux soins périnataux. Alors, c'est ça, j'ai trouvé une personne, un parent, un homme transgenre de 36 ans pour faire mon entrevue avec. Et c'est ça, j'ai axé mes questions sur la période périnatale, sa fille a maintenant 7 ans, mais j'ai axé mes questions sur comment l'expérience de sa naissance, de la grossesse et de la naissance et la période après se sont déroulées au niveau de soins de santé. Et c'est ça, c'est à peu près ça. Est-ce que ce couple-là avait reçu des services sage-femme? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, parfait. Avant de te lancer, tu nous as fait une entrevue. Je veux savoir, est-ce que tu as recherché dans la littérature? J'imagine que tu as cherché dans la littérature pour orienter ton travail. Puis, est-ce que tu as trouvé justement des recherches ou des écrits sur le sujet des soins périnataux ou des soins de santé face aux communautés transgenres? Oui, j'en ai trouvé. Je n'ai pas trop trouvé sur les soins périnataux, mais il y en a plein sur les soins de santé en général. Et puis, ce qui ressort, c'est vraiment qu'il y a une crise au niveau de soins de santé pour les personnes transgenres. Aussi que les soins de santé sont particulièrement importants pour ces communautés-là, au niveau de la réalisation des projets de transition. Les soins de santé sont extrêmement importants. Et aussi que c'est vraiment souvent une source de stress très élevé pour ces personnes-là. Il y a vraiment un paquet d'affaires qui peuvent arriver des docteurs qui sont juste pas respectueux ou qui vraiment connaissent rien et qui veulent rien savoir. Et puis, de l'autre côté, ça peut être juste un effacement de cette expérience-là. Mm-hmm. Que ces personnes-là ne sont pas incluses dans les statistiques, ne sont pas incluses dans la programmation des services, des cliniques ou des hôpitaux ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Il y a vraiment une crise et que ça peut être des interactions vraiment intensément pas respectueuses, mais aussi que même si l'effacement de l'expérience n'est pas aussi violent ou pas si intense comme ça, que ça peut quand même avoir des conséquences assez endommageantes pour ces personnes-là. Je vais juste te poser une question. Quand tu parles d'effacement de l'expérience, est-ce que tu veux dire qu'ils ne sont pas reconnus justement dans leur identité transgenre? C'est ça, exactement. Et on verra un peu plus loin quelle manifestation ça peut avoir. D'accord. Qu'est-ce qui est ressorti justement de ton entrevue avec cette personne-là? Bien, comme je viens de dire, il avait des soins sage-femme. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça quand j'ai commencé l'entrevue. Mais là, j'étais quand même surpris de savoir qu'il avait des services sage-femme. Il m'a raconté qu'il y avait des aspects vraiment positifs que lui et puis sa partenaire ont vraiment apprécié cette suivi au niveau des soins continus, des rencontres longues mais vraiment personnalisées. Il sentait qu'il pouvait poser des questions et qu'on prenait vraiment le temps d'y répondre. C'est ça, mais aussi ce qui reflétait vraiment la littérature, c'était que il y avait cet effacement de son expérience. C'est difficile de dire exactement parce que lui, il sentait juste pas une ouverture au niveau du sage-femme de sa réalité. Il se sentait pas confortable de révéler son identité à elle. C'est intéressant de noter qu'il sentait plus cette ouverture de l'étudiante. Okay. Alors, si c'était juste elle, il m'a dit que peut-être il aurait tenté de dévoiler son identité. C'est ça. Mais comme il l'était, il ne se sentait pas confortable. Et puis, en plus de ça, ce qui reflétait la littérature aussi, c'était vraiment une source de stress pour ce couple-là. En premier, parce qu'il avait un emploi à ce temps-là et qu'à travers cet emploi-là, il voyait souvent des personnes transgenres qui se faisaient enlever leurs enfants par le gouvernement. Juste la raison était qu'il était transgenre. Alors, c'était des familles qui se faisaient redonner leurs enfants après des batailles longues et juridiques dans les cours. Mais que c'est ça, il avait ça dans la tête en tout temps. Il sentait cette stress vraiment à chaque jour. L'autre source de stress pour lui, c'était que à ce moment-là, il n'avait pas encore changé son nom et son genre avec le gouvernement. C'était en processus, mais c'était pas encore accompli. Alors, il avait le stress que si jamais on lui demandait son carte d'identification ou son certificat de naissance, que il savait pas qu'est-ce qui se passerait. C'était mm-hmm. comme un vide, il savait pas. Et aussi que ça se pouvait que son ancien nom pourrait se trouver sur le certificat de naissance de sa fille. Alors, pour lui, ça aurait été vraiment pas acceptable. Alors, c'est ça, c'était une source de stress élevé. Un petit plus pour lui, qui reflétait la littérature aussi, c'est qu'on dit souvent que le soutien de la communauté est très, très important dans des communautés transgenres et des communautés queer en général. Je vais encore une fois pas trop parler de qu'est-ce que j'entends par queer. On va sauver ça aussi pour une autre émission. Mais dans le cas de communautés qui sont plus marginales. C'est finalement. Ça, c'est ça, exactement. Mm-hmm. On pourrait faire cette généralisation, je dirais. Mais c'est ça. Et que pour lui, il a vraiment, vraiment apprécié que l'approche sage-femme avait cette ouverture-là, que il y a des différentes façons de voir la famille et que, c'est ça, il sentait cette ouverture. Et en fait, après la naissance de sa fille, dans les 24 heures qui ont suivi la naissance, le couple a vraiment voulu accueillir des amis à la maison de naissance, et la maison de naissance a vraiment été ouverte à ça. Alors, il a apprécié ça. Alors, c'est ça, c'est à peu près ça qui a les thèmes qui sont sortis de l'entrevue. Puis, on peut voir justement qu'il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans l'entrevue qui s'appuyaient justement sur la littérature par rapport aux difficultés ressenties, vécues. Est-ce que cet homme-là proposait des pistes de solutions qui auraient facilité justement les services, les soins périnataux par rapport à la communauté transgenre? Oui, il m'en a parlé. Je pense, premièrement, il faut dire que vraiment, il a dit qu'il trouvait que les sages-femmes pouvaient vraiment devenir une ressource, des alliés très importants pour cette communauté-là. En fait, je suis allée à un organisme qui s'appelle Aztec, et c'est l'Association des personnes transsexuelles transgenres du Québec. Et puis, j'en ai parlé avec eux que je cherchais des ressources et tout ça. Et pour eux, ils trouvaient aussi qu'ils recevaient des appels de personnes qui voulaient devenir parents, mais qui n'étaient pas trop sûres qu'est-ce qui se passerait avec des soins de santé. Alors, pour eux aussi, ils m'ont vraiment communiqué que ça serait vraiment pertinent d'avoir des sages-femmes qui seraient au courant des réalités de cette communauté-là et qui pourraient vraiment être importants. Et aussi, c'est ça, la continuité de soins, la relation personnelle, l'approche sage-femme en général peut vraiment permettre à briser ce cycle d'effacement de cette expérience. Mm-hmm. Alors, c'est quand même important. Il m'a communiqué que il s'attendait pas que les sages-femmes vont comprendre toutes les réalités, toutes les particularités de chaque communauté qu'ils vont rencontrer. C'est pas ça le but, c'est vraiment juste d'avoir cette ouverture à poser des questions, mm-hmm. à avoir un respect de base pour tout le monde, et que oui, apprendre plus si y a l'occasion. En particulier, concrètement, qu'est-ce qu'il m'a communiqué à propos de ça, c'est que qu'est-ce qui l'aurait fait plus confortable à révéler son identité, ça aurait été que les images, la littérature de la maison de naissance auraient présenté cette ouverture. Alors, différents types de familles, différents types de couples, tout ça. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Alors, juste garder en tête que si les seules images qu'on présente, si la seule modèle de famille qu'on présente, c'est le papa, la maman, le bébé, dans toutes les images, qu'il y a vraiment toutes sortes d'autres modèles de famille qui ne vont pas se sentir confortables, qui vont se sentir marginalisés, et qu'à travers ça, on peut aussi présenter que oui, c'est la normalité et que aussi c'est l'idéal. Alors, il faut vraiment se questionner de est-ce que c'est l'idéal? Pourquoi est-ce qu'on présente ça? Pourquoi est-ce que c'est la normalité? Et est-ce qu'on veut se re-questionner pour faire la place pour d'autres modèles de famille? Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Bronwyn, d'avoir partagé les réflexions, les résultats de ton entrevue et de la littérature. Je pense que ça nous amène beaucoup à justement pousser nos réflexions puis à s'ouvrir en tant que citoyenne et citoyen, mais aussi en tant que future sage-femme sur différents modèles et non pas de tomber dans l'unicité du modèle. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Véro. Bonjour, Véronée. Alors, merci beaucoup, Bronwyn, pour cette entrevue qui était fort intéressante. Maintenant, on va entendre une entrevue qui a été réalisée cette semaine par Cathy Bordelot et qui m'a interviewée sur l'interprofessionnalisme et la pratique sage-femme. Alors, on écoute ça à l'instant. Bonjour, Véronée. Dans le cadre du cours d'introduction à la pratique sage-femme, les étudiantes devaient réaliser un travail de réflexion sur un aspect de la profession sage-femme. Aujourd'hui, on s'entretient avec toi pour que tu nous parles de ce sujet qui t'intéresse, l'interdisciplinarité et la pratique sage-femme. C'est pas facile à dire, on va voir si c'est facile à décrire. Donc, tout d'abord, pourquoi as-tu décidé d'aborder ce sujet, donc l'interdisciplinarité? Premièrement, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée puisque j'avais dans mon entourage des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, mais dans différents volets. D'ailleurs, ma mère, qui était infirmière de liaison, travaillait vraiment avec une équipe multidisciplinaire, mais en interdisciplinarité. Puis je trouvais que ça avait l'air tellement enrichissant dans sa pratique de travailler avec des médecins, des nutritionnistes, des physiothérapeutes, etc. Elle en fait à travailler en périnatalité, donc je trouvais ça très intéressant. Il y a aussi quelque chose qui a vraiment beaucoup nourri mes réflexions, puis qui a été concret dans le sens, c'était lors du congrès Enfanter le monde. Bon, on a fait une émission là-dessus, donc on reviendra pas à l'automne, on reviendra pas sur tout ce qui s'est déroulé, mais c'était vraiment un congrès interdisciplinaire qui se voulait être un lieu de réflexion interdisciplinaire sur les premiers moments de vie. Donc, il y avait 700 personnes qui étaient réunies, dont des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Puis dans les médecins, bon, il y avait autant des médecins généralistes que des gynécologues et obstétriciens. Il y avait aussi des gens des milieux communautaires, des parents, puis d'autres personnes, d'autres professionnels de la santé. Donc, ça a été très intéressant d'entendre un peu comment... en tout cas, tout le monde avait leur vision par rapport à leur champ de pratique, mais aussi comment il y avait quand même un désir qui était très grand qui émanait du congrès, qui était de travailler ensemble puis que d'améliorer la collaboration pour offrir des meilleurs soins. Puis aussi, bon, dans le cadre de ma réflexion sur un aspect de la profession sage-femme, je me disais, à l'heure actuelle où il y a des défis dans le domaine de la santé, où il y a une pénurie de services de santé qui est vraiment palpable, je me questionnais sur, bon, est-ce que l'interdisciplinarité peut augmenter l'efficience, mais surtout la qualité des soins. Bon, c'est sûr que nous, comme, pas nous, mais parce que je suis étudiante, mais les sages-femmes, on travaille avec une clientèle qui est pas une clientèle qui est nécessairement à risque ou qui présente des pathologies majeures ou tout ça. Nous, on fait un suivi de grossesse normal, sauf que inévitablement, dans le cadre de notre travail, on a à collaborer avec des médecins ou ça peut être aussi dans le cas de femmes ou de familles qui ont des statuts socio-économiques plus précaires, mais on peut travailler en lien avec le CLC ou en tout cas. Donc, je me demandais, bon, comment ça se vit sur le terrain, puis c'est quoi les réflexions pour le futur? Donc, parfois, on entend parler d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité. Est-ce que tu peux nous définir le concept? Tout d'abord, c'est sûr que j'ai lu de la littérature sur le sujet, mais aussi je me suis entretenue avec Madame Josée Lafrance, qui est professeure ici au département de pratique sage-femme, puis qui est chercheure en interdisciplinarité. Puis tout d'abord, en fait, on parle maintenant d'interprofessionnalisme et non d'interdisciplinarité. Ça, c'est une première nuance qu'on peut apporter. Puis oui, il y a une différence entre l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité. Donc, sans y aller dans les grandes définitions théoriques, je vais plus vous expliquer concrètement comment ça diffère. L'interprofessionnalisme, on parle ici en santé, faut au moins qu'il y ait deux professions différentes qui se côtoient. C'est vraiment un travail qui est fait conjointement ensemble dans l'atteinte d'un objectif commun, mais aussi dans le cadre d'une vision commune. Il y a vraiment un partage au niveau de l'expertise, puis idéalement, si on parle de concept idéal d'interprofessionnalisme, le client, la cliente ou le patient, la patiente est au centre même des soins qui doivent, des discussions, puis dans la façon d'organiser les soins, puis peut même participer. Ici, actuellement, comme exemple, on pourrait donner l'exemple de la Maison Bleue. Ça, c'est vraiment un exemple qui fonctionne extrêmement bien au niveau de l'interprofessionnalisme, où il y a plusieurs professionnels de la santé qui travaillent, professionnels de la santé ou de travailleurs sociaux, psychoéducateurs, qui travaillent ensemble vraiment dans, avec une vision commune, des valeurs communes, un objectif commun. Puis, ça semble donner de très bons résultats. Puis, il y a aussi, bon, dans le Grand Nord, lors du congrès Enfanter le monde, il y avait des sages-femmes inuites et non-inuites qui travaillent au centre de maternité à Puvuntuk. Puis, ils parlaient vraiment à quel point, c'est ça, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les différents professionnels de la santé. Donc, autant entre les médecins, les infirmières et les sages-femmes, ils travaillent vraiment conjointement pour offrir les meilleurs services et meilleurs soins possibles. Contrairement à... différemment par rapport à la multidisciplinarité, c'est vraiment plus un travail qui se fait en silo. Encore là, il y a plusieurs professionnels de la santé qui travaillent côte à côte, mais il faut quand même dire que il y a des discussions, même s'ils travaillent pas nécessairement ou à l'atteinte des mêmes objectifs précis. On pourrait dire que les hôpitaux, c'est un exemple de travail multidisciplinaire où chaque professionnel a ses tâches à faire, travaille ensemble. Il y a quand même des discussions, mais c'est pas vraiment orchestré dans un climat de collaboration au même titre qu'en interdisciplinarité. On peut dire aussi que les sages-femmes qui œuvrent dans les qui travaillent dans les maisons de naissance aussi travaillent plus en silo, dans le sens qu'ils vont travailler si jamais ils vont avoir des contacts justement avec d'autres professionnels de la santé, mais ça va être de façon très sporadique, puis ça sera pas nécessairement autour d'une même table dans l'élaboration d'un plan, mettons, de suivi ou de traitement. Donc, il y a un auteur, M. Lejeune, qui s'est penché sur l'interdisciplinarité, puis qui disait que ça consiste en une collaboration, une interaction entre diverses personnes issues de disciplines différentes qui s'enrichissent mutuellement dans l'objectif, comme on disait, de travailler à un objectif commun. Donc, ça résume sommairement ce que c'est l'interdisciplinarité versus la multidisciplinarité. Mais on parle maintenant d'interprofessionnalisme, bien sûr. Bien, merci beaucoup, c'est super intéressant. Maintenant, je voudrais te demander, selon toi, pourquoi la philosophie demeure dans le discours, mais ne se manifeste pas trop dans la réalité? Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment une réflexion personnelle. Je ne détiens absolument pas la vérité. Mais bon, dans ma connaissance sommaire du travail des sages-femmes, pour moi, je me dis, ah ben oui, ils travaillent avec des médecins ou d'autres professionnels de la santé dans le cas de suivi ou de transfert ou de plus de consultations que de suivi. Mais bon, puis je me demandais quand j'ai... Après m'être entretenue avec Madame La France, puis après le congrès Enfanter le monde, avoir un peu sondé le terrain auprès de certaines sages-femmes, je me disais, mais pourquoi, finalement, dans le discours, il y aurait une volonté de travailler en interprofessionnalisme, mais finalement, sur le terrain, ça se vit pas réellement comme ça. Mais en fait, je pense que, bon, il y a toujours, d'une part, un peu la peur de l'autre avec le grand A, le fait que même si on est ouvert, de part et d'autre, il y a certaines méconnaissances du travail ou du champ de pratique des autres professionnels. On peut se sentir menacé ou envahi ou tout ça. Mais je pense aussi que, puis ça c'est aussi suite à mes lectures, la notion de danger puis de risque prend vraiment, je pense, là une... est comme un peu la pierre angulaire de la peur ou du manque de collaboration. Je vais m'expliquer un peu. En fait, bon, pour les sages-femmes, le suivi sage-femme, c'est auprès de femmes qui ont des grossesses normales, donc qui ne sont pas à risque. Puis, notre perception fondamentale par rapport à ça, c'est qu'on croit, bon, dans la philosophie sage-femme, à la capacité intrinsèque des femmes à donner naissance, puis ça s'inscrit dans un processus physiologique naturel. Mais, donc, veut pas, dans certains professionnels de la santé, comme les médecins, les infirmières, etc., dans leur formation, sont formés par rapport à la pathologie, puis sont formés justement pour réagir à différentes pathologies, traiter, soigner et aussi à gérer une certaine notion de danger. Donc, leur champ de pratique est différent du nôtre. Je pense qu'à ce niveau-là, il y avait justement la sociologue Karen Lane qui a fait son terrain et ses études en Australie puis qui écrit dans un article publié en 2006. Elle appelait vraiment ça le « conflicting Conflicting Interpretation of Risk, donc entre les sages-femmes et les autres professionnels des centres de santé. Elle a se basé sur un terrain qu'elle a fait en Australie où les sages-femmes travaillent dans les hôpitaux. Donc, il y avait vraiment, elle voyait la dichotomie de l'interprétation du risque entre les médecins versus les sages-femmes. Donc, on peut dire, c'est ça, que, bon, c'est ça, les infirmières, les médecins et autres professionnels dans les hôpitaux sont vraiment formés pour gérer le risque. D'ailleurs, la docteure Vania Jiménez, qui est une médecin qui travaille et fondatrice de la Maison Bleue, elle écrivait, ben, en fait, dans un article que faisait part de sa réflexion, puis je trouve que ça l'appuie un peu cette notion-là que la culture de la peur, là, je la cite, est omniprésente en milieu hospitalier. J'ai moi-même du mal à ne pas tomber dans ce piège lorsque je pratique des accouchements, car je suis formée pour anticiper la catastrophe. Malgré moi, mon empathie me fait projeter cette peur sur ma patiente, même si je sais qu'une infime minorité d'accouchements se déroule mal. Donc là, on parle d'une médecin qui est quand même habituée à justement pratiquer dans des conditions comme à la Maison Bleue ou tout ça, ou rencontrer des clientèles, mais aussi qui est très ouverte justement à l'accouchement naturel ou tout ça. Donc, je pense que ça vient bien refléter le fait que ce n'est pas par mauvaise intention ou par une philosophie qui serait contradictoire, tu sais, je pense que mais seulement que c'est aussi dans la façon dont la formation se déroule, puis les valeurs aussi qui sont véhiculées à travers ça. Donc, c'est ça. Je pense que ça s'oppose un peu au niveau de l'accouchement physiologique parce qu'on la notion de danger, parce que ça touche quand même vraiment au schéma profond des valeurs des sages-femmes. Puis, cependant, moi, je pense que l'immersion des professionnels dans le milieu de l'autre, si on veut, pourrait vraiment contribuer à nous permettre d'ouvrir nos horizons, puis par rapport à la réalité aussi, de déconstruire nos idées préconçues, mais aussi de s'ouvrir à la réalité du milieu, finalement, puis qu'est-ce qui fait aussi que les professionnels agissent de cette façon. Puis aussi, bon, on a vu que l'approche d'interdisciplinarité, en fait, d'interprofessionnalisme, avait donné des résultats vraiment extraordinaires, entre autres dans le cas de la Maison Bleue. On sait que c'est auprès de de femmes immigrantes nouvellement arrivées ou femmes et familles qui ont des statuts socio-économiques ou qui vivent dans la pauvreté plus précaires. Puis en fait c'est ça, on a vu que ce système, cette façon de travailler en interprofessionnel fonctionnait très bien, donnait des très bons résultats. Ça serait intéressant d'instaurer ça dans les maisons de naissance, puis de voir ou faire un projet pilote et voir vraiment quelles seraient les retombées finalement, autant pour les professionnels, mais aussi pour la clientèle, comment ça pourrait bénéficier à tous et toutes et chacun. Donc voilà, merci. Bien, merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, ben merci à nos invités d'avoir partagé leurs recherches et leurs travaux avec nous. À l'émission Connaître ensemble, on aime toujours vous partager un peu les actualités en matière de périnatalité et de pratiques sages-femmes. Cette semaine, il y en aurait beaucoup, le temps manque, donc je vais juste aller à souligner quelques petits éléments. Le 11 janvier dernier, donc 2011, les étudiantes en pratiques sages-femmes de l'UQTR ont tenu une assemblée générale afin de créer la première association des étudiantes en pratique sage-femme du Québec. Donc, ça a été un très beau, une première et un moment très touchant. Donc, ça va nous permettre aux étudiantes de mieux se représenter autant au sein de l'institution universitaire que aussi, bon, au sein des différents comités. Deuxième nouvelle, il y a la pièce « Beauté, chaleur et mort » qui est présentée actuellement au Théâtre La Chapelle à Montréal jusqu'au 28 janvier prochain à 20h. Cette pièce a été créée par la compagnie théâtrale Le Projet MU. C'est un docu-fiction retraçant la naissance et la mort d'un enfant. Donc, « Beauté, chaleur et mort » fait l'autopsie d'un couple dans l'abîme du deuil. Je pense que c'est une pièce qui est très, très touchante, très poignante et vraiment bien. Les critiques étaient très bonnes. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en balado-diffusion